toute cette fois dans ma bouche, avant de décoder tous les signes qui te semblent louches. Si mon approche t'accroche avant que tu décroches, alors tu rushes, je veux que tu me touches too much. Wanna eat, wanna na, non, pas de tralala. J'suis pas ta meilleure copine, oh vas-y, touche-moi là. Tu me fous la haine sur MSN, tu fais ta super vixen. Je tire sur ma chaîne, mais dans le front, tu m'entraînes. Vas-y, remue tes fesses et fais attention à la date de péremption. J'ai un train qui m'attend, je n'ai pas le temps.